بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 76 بعد 100 176 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هناك أحد الأساتذة بالجامعة يقول إن قولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لا يصح، وإن هذا من عبارات التصوف، واستدل بقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. يقول إننا لا نحصى أو نوصي خلق الله تعالى حتى ندعو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من أشرفها. Donc il est interrogé à propos d'un des professeurs de l'université qui dit que à propos de la parole que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le plus noble des créatures, cette parole ne convient pas, car cela est parmi les termes employés par les soufis. Et il a pris comme preuve le sens dans le sens du verset que Allah crée ce que vous ne savez pas. Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 8. Il dit, donc nous pouvons connaître tout ce que Allah a créé pour nous permettre de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en est la plus noble, l'année de ses créations. فأجاب رحمه الله تعالى المشهور عند كثير من العلماء إطلاق هذه العبارة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. Donc la liste qui est connue auprès de beaucoup de savants, c'est justement le fait de dire cela, à l'absolu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Puis il cita un vers de poésie. لكن الأحوات والأسلم نقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل البشر وأفضل الأنبياء وما أشبه ذلك اتباعا لما جاء به النص. Donc il a dit, mais le plus prudent serait de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le maître des fils de Adam et le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes. Est-ce qu'il ressemble en concordance avec ce qui est venu dans le texte. ولا أعلم إلى ساعة هذه أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا في كل شيء. Il a dit, et jusqu'à cette heure, je ne connais rien qui dise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la meilleure des créatures dans l'absolu, en tous les domaines. وأما الاستدلال بالآية يخلق ما لا تعلمون ففي غير محله، لأن هذه الآية في المركوبات قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Il a dit le fait de prendre ce verset cité par le professeur dans le sens où Allah a dit que Allah crée ce que vous ne savez pas. Ce verset est placé hors contexte, car ce verset concerne les montures, dans le sens où Allah a dit, et les chevaux, ainsi que les mulets, ainsi que l'âne, et afin que vous puissiez les enfourcher et en faire une parure. Et il a créé ce que vous ne savez pas. يعني مما تركبون وهو أيضا يخلق ما لا نعلم من غير ما نركب لكن الاستدلال بهذه الآية على أنه يمكن أن يخلق الله خلقا خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم فيه نظر. Donc il a dit que Allah a créé des choses que nous ne connaissons pas, comme cela est voulu dans le sens du verset, et également même dans autre que le monture. Cependant, prendre ce verset-là comme preuve pour en déduire ce qu'a dit ce professeur-là, que Allah Azzawajal a pu avoir créé une meilleure création, une meilleure créature que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela est discutable. Cela est à revoir. والأسلم أن الإنسان في هذه الأمور يتحرى ما جاء به النص. Et la dit ce qu'il y a de meilleur pour la personne, c'est qu'elle se contente et se limite aux textes qui ont été rapportés authentiquement. Après, il développa sur une autre question. Et à la fin, il dit: أما كون هذه من عبارة أو من عبارة الصوفية أو غير صوفية فلا أدري، لكنه مشهور عند كثير من العلماء تجدهم يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. Il a dit, quant au fait de dire que cela est parmi les expressions des soufis, il a dit ça, je n'en sais rien me concernant, mais il est connu que beaucoup de savants l'ont employé. que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Donc l'auteur, lui, voit que il ne s'y oppose pas forcément, mais voit qu'il n'y a pas de texte qui dise cela. Et que c'est une expression qui est connue. C'est vrai. Donc voilà. بِهَذَا كَمَلْنَا مِنْ هَذَا السُّؤَالِ ثُمَّ قَالَ فِي السُّؤَالِ السَّبِعُ وَسَبْعِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ 177e question. سُؤِلَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى مَا رَيُّكُمْ فِي وَصْفِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبِيبِ اللَّهِ. Donc, qu'en dites-vous du fait de décrire le prophète صلى الله عليه وسلم comme étant l'aimé d'Allah, Habib. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فهو حب لله ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله أو خليل لله. Donc il a dit, il ne fait aucun doute que le Nabi صلى الله عليه وسلم est aimé auprès d'Allah. Cependant, il y a ici un descriptif bien meilleur qui est خليل لله. Fait de dire خليل plutôt que de dire حبيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله كما قال تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Qu'il a dit que Allah m'a pris comme خليل tout comme il a pris Ibrahim comme خليل. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فهو نزله عن مرتبته فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. Donc il a dit, celui qui a décrit le Nabi صلى الله عليه وسلم par l'amour seulement, c'est-à-dire qu'Allah lui apporte, ne l'a pas estimé à sa juste valeur. Car al-khulla, d'où le mot khalil a été pris, c'est un niveau plus haut que l'amour. C'est le niveau le plus haut que l'amour. En français, on n'a pas d'équivalent. En français, on n'a pas d'équivalent. Et souvent, ils traduisent le mot khalil comme étant le confident intime. Ce n'est pas une traduction qui est correcte. Ce serait khalil comme la personne la plus aimée, qui a le niveau d'amour, qui reçoit le niveau d'amour le plus haut. Hada. C'est pris de Al-Khulla. فَكُلُّ الْمُؤْمِنِ أَحِبَّاءُ لِلَّهِ وَلَكِنْ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَقَامٍ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ الْخُلَّةُ فَقَدْ اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Donc il a dit, chaque croyant est aimé auprès d'Allah. Cependant, le messager, alayhi salatu wassalam, est au niveau plus haut que cela, qui est al-khulla. D'accord? Ce même niveau qui était attribué à Ibrahim, alayhi salatu wassalam. لِذَلِكَ نَقُولْ إِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَلِيلُ اللَّهِ وَهَذَا أَعْلَى مِنْ قَوْلِنَا حَبِيبُ اللَّهِ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْمَحَبَّةِ وَزِيَادَةٍ لِأَنَّهُ غَايَةُ الْمَحَبَّةِ. Donc c'est pour ça qu'on dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est le khalil d'Allah. Car cela est bien plus haut. Car le khalil inclut le sens de Habib. Mais un sens plus fort encore. Car al-khulla, on a dit que c'est le niveau le plus haut de l'amour. Naam. Hadha allazi akhadhna al-yawma min hadhain su'alayn. Walhamdulillahi rabbil alamin.